Coucou, c'est Agathe. Allez, c'est parti pour l'astrologie chinoise. Mai 2025 est placé sous le serpent de bois. Et donc là, en mai, on a des énergies de transformation. Le serpent de bois va poursuivre ses influences. Il est caché derrière des stratégies et derrière des possibilités. Tous les signes vont être impactés. Alors oui, certains vont briller et certains vont devoir s'armer de patience. Et on va commencer par nos amiras. Alors, amira, au niveau du travail, tout va bien. Tu vas même te sentir pousser des ailes parce que tu vas avoir des personnes d'influence qui vont t'encourager, te porter dans tes projets, voire même une petite promotion, voire une grosse promotion qui se profile à l'horizon, c'est que du bonheur. On a un mentor hein, qui a décidé de se mettre sur ton dos, non pas pour t'embêter, mais pour te propulser encore plus haut. Adapte-toi, ne loupe pas le coche. Côté amour, Amira, il semblerait que tu sois remarquée, que ce soit dans ton entourage, mais qu'il y a une grosse timidité. Il y a quelque chose qui vous empêche, l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, de faire le premier pas. Il y a quelque chose comme ça, il y a une ambiguïté. Eh bien, écoute, laisse faire les choses, concentre-toi sur ton professionnel qui est très, très prometteur. Alors bien sûr, ça va t'amener tout ça à une surcharge mentale sur ta santé. Et là, je te dirais que prévois des périodes de calme. Quand tu rentres chez toi, par exemple, ferme la porte convenablement en disant stop, le boulot, je le laisse sur le paillasson, je le récupérerai demain matin quand j'y retournerai. Quand tu es chez toi, fais autre chose, décroche, décroche du travail. Pour tes loisirs, pourquoi pas toi aussi être le mentor de quelqu'un, t'inspirer de l'aide que tu vas subir sur le mois de mai ou que l'on va t'accorder sur le mois de mai? Pourquoi ne pas le reproduire toi aussi pour aider quelqu'un à se propulser? Côté loisirs, pourquoi pas la lecture, histoire de te poser quand tu auras fermé cette porte une fois rentré chez toi. Et puis tu as besoin de lecture qui élève ton esprit. Alors, le conseil du serpent de bois, accepte cette aide, ne la loupe pas, ce n'est pas un poids sur tes épaules, tu as peut-être l'impression de subir un mentor, mais accepte cette aide parce que ça va te changer la donne pour le futur. Pour nos amis buffles, ils sont sous l'influence de l'étoile des obstacles. Alors, il va y avoir sur le travail de la frustration, c'est vrai. Mais n'oublie pas, ami buffle, tu es très persévérant, alors ne lâche rien. On va te demander sur ce mois de mai de ne rien lâcher, car la récompense arrive plus tard. Sur le côté sentimental, sur le côté des amours, oui, c'est tendu, c'est vrai. Peut-être une meilleure communication à mettre en place, et puis mettre de côté les fâcheries ou les bouderies habituelles. Il n'y a plus le temps pour ce couple. Et puis si tu es célibataire, attends un petit peu, ce n'est pas ton moment pour entreprendre des projets de relations sentimentales. Ça arrive, il y a des petites pauses que l'on doit se faire, que l'on doit s'accorder côté cœur, ami buffle. Bon, pour ta santé, vu que c'est un mois un petit peu tendu, pourquoi pas la marche en pleine nature, ça peut t'apaiser. Puis les loisirs, pourquoi pas du bricolage, histoire de canaliser ton mental pour éviter que ça tourne en boucle ou pour éviter que tu grognes en toi-même. Venge-toi sur le bricolage. Alors, ce mois-ci, tu l'as compris, hein, ce n'est pas un mois pour forcer les choses, ami buffle, mais pour ajuster tes stratégies pour la suite. Ami tigre, on est sous l'influence de l'étoile des voyages, du mouvement. Et ça bouge de partout. Professionnel, sentimental, santé, loisir, tout bouge chez toi. Pour le professionnel, il est fort possible que tu aies une opportunité de déplacement à l'extérieur qui va être bénéfique, hein, peut-être de mutation ou d'apporter des contrats ou des solutions à l'étranger. On a une histoire de grand mouvement, ça bouge pour toi. Donc, sois prêt à te déplacer, prépare d'avance une petite valise parce que ça va être très urgent. Côté amour, flirte, c'est vrai, passion, même grande passion, attention aux amours éphémères. Côté santé, tu bouges, c'est vrai, mais continue, garde ce rythme, c'est vraiment ton allié ce mois-ci. Côté loisirs, évasion, road trip, fais-toi des nouvelles expériences, fais-toi plaisir, tu as besoin de ça, d'aventure. Le petit conseil hein, du serpent de bois, c'est suis le mouvement, suis-le parce que l'univers t'ouvre grand les bras sur ton mois de mai 2025. Pour nos amis lapins, on est sous les influences de la lune, sous l'étoile de la lune, on est dans les émotions et dans l'inspiration surtout, et dans l'inspiration de génie. Si tu travailles dans la créativité, dans la recherche par exemple, il semblerait qu'il y ait un coup de maître qui soit sur toi, un coup de génie, un éclair de lucidité, une idée qui sera là et qui va te démarquer. Côté amour, il semblerait qu'il y ait du mystère à découvrir. Alors peut-être que tu as rencontré quelqu'un ou que tu n'oses pas, mais on est dans le mystère à résoudre. Et si tu es en couple, il semblerait qu'on ait choisi ce mois de mai, ami lièvre, ami lapin, de vivre heureux. Et pour cela, on a choisi de vivre caché. Peut-être aussi une relation secrète. Côté santé, on a une fatigue émotionnelle. On est bouleversé hein, par ces influences de l'étoile de la lune. Il faut absolument à penser, à se recentrer, à ne pas laisser cet émotionnel déborder. Pour les loisirs, je te conseillerais plutôt de la musique. Ça t'apaise. Alors, ton type de musique, hein, va pas te forcer dans une musique que tu ne connais pas encore, mais va vers ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer et ce qui t'apaise. Ça va calmer ton émotionnel. Le conseil du serpent de bois, écoute ton intuition, elle est plus forte que jamais ce mois de mai. Pour nos amis dragons, alors là on est sous l'influence de l'étoile du succès. On est dans le travail, c'est protecteur pour toi. Il y a une reconnaissance publique, hein, on est reconnu par tout le monde et on a une avancée majeure en vue. Côté amour, on est dans de l'intensité, on a envie de vivre des relations intenses. Attention un petit peu à ce côté un petit brin possessif. L'autre ne t'appartient pas forcément, laisse-lui de l'air. Pour ta santé, ne te brûle pas les ailes, le repos est essentiel. Tes loisirs, tu nous as habitués à de grandes ambitions, alors poursuis, ne te repose pas sur tes acquis. Prends un défi à la hauteur du grand dragon que tu es. Le conseil du serpent de bois, profite de tes succès. En effet, hein, c'est un mois comme ça chez toi, pour toi, ami dragon, le mois de mai. Mais garde les pieds sur terre. Ami serpent, on est sous l'étoile de la transformation, sous l'influence de la transformation. C'est pour ça que ça impacte aussi tous les signes, les 12 signes de l'astrologie chinoise, les 12 animaux du zodiaque. Et donc, il y a un changement profond qui approche pour toi, ami serpent. Envie de peut-être de se débarrasser de l'ancien. Sur le côté du travail, on a envie de renouveau, on a envie de nouveaux projets, on a envie d'étincelles. Pourquoi pas une réorientation? On y réfléchit en tout cas pour vous, ami serpent, sur mai 2025. Côté amour, on est dans la recherche de l'authenticité. Seul ce qui est vrai comptera pour toi, ami serpent. Ça ne tranchera pas. Alors, côté santé, pense à méditer parce que la fatigue nerveuse te guette. Côté loisirs, un peu comme le dragon, tout ce qui va nourrir ton esprit, alimenter ton esprit pour aller dans tes projets, va te servir. Profite de ce mois de mai qui s'y prête très bien pour toi. Le petit conseil du serpent de bois ou du serpent, tout simplement, lâche l'ancien. L'avenir est très, très excitant pour toi. Pour nos amis du signe du cheval. Alors, on est sous l'influence de l'étoile de l'expansion, rien que ça. On voit tout en grand, on a une croissance rapide, on a quelque chose qui va vite, la promotion, des nouvelles opportunités, nouveaux objectifs, nouveaux défis, nouveaux challenges, tout va très très très vite pour toi, ami cheval. Alors côté amour, on a envie d'évasion à l'étranger ou peut-être une relation nouvelle avec une personne d'une différente culture que la tienne. Côté santé, oui, il y a beaucoup d'énergie, alors attention à l'épuisement. Côté loisirs, on est dans le voyage, mais dans le voyage où tu vas inclure le sport, de la plongée sous-marine, du deltaplane, de l'escalade. On est dans du sport extrême pour le mois de mai. Je pense que tu projettes quelque chose comme ça sur ton mois de mai 2025, ami cheval. Tu as envie d'innover sur tes loisirs. Alors, le conseil du serpent de bois, garde le rythme, hein, parce que ça va aller vite. Mais n'oublie pas de respirer, ami cheval. Pour nos amis chèvres, on est sous l'influence de l'étoile artistique, l'étoile des artistes. Et là, c'est une période idéale côté travail pour innover et pour aussi mettre en avant un projet personnel parce que ça va prendre vie sur le mois de mai. Côté amour, on est dans des amours doux, partagés, caliente, sincères, romantiques, si on est en couple. Et sinon, on est dans une rencontre, mais dans un lieu public, dans un lieu même culturel, qui est très possible sur le mois de mai 2025 pour nos amis chèvres. Alors, pour la santé, évite le surmenage sentimental. Ne bloque pas sur un sujet si tu n'as pas tout de suite la réponse. Fais une pause, tu reviendras dessus un autre jour parce que là, ça va être une surcharge de pensées et ça risque de t'empoisonner l'existence. Pourquoi pas, pour tes loisirs, te remettre dans de l'art, dans de l'écriture, dans de la musique ou même de la méditation. Par contre, le conseil du serpent de bois, c'est « tu as du talent ». Eh bien, affirme-le parce que tu mérites d'être vu, d'être lu, d'être reconnu, ami chèvre. Pour nos amis singes, on est sous l'influence de l'étoile de la stratégie. On est rusé et ça sera ton meilleur atout sur le mois de mai côté travail. Ça sera ton arme et tes atouts. Tu as un projet qui avance, qui prend de l'ampleur, réfléchis avant d'agir et tais-toi. Ne dis rien à personne sur ton projet. Vraiment, tu le divulgueras quand il sera abouti. Méfiance, méfiance, sois stratège. Côté amour, tu jongles entre attachement et indépendance. Là, je te dirais, clarifie tes intentions, ça sera plus honnête. Pour l'autre, ça sera plus honnête aussi envers toi-même. Au moins, tu sauras sur quel pied danser. Et puis, si tu n'es pas encore en couple, si tu n'as pas encore rencontré ta perle, là aussi, je te dirai, étudie toute proposition, adopte ce mois de mai sur tes amours, la stratégie justement, regarde ce qui te convient, ne te laisse plus embarquer dans des plans dont tu n'arrives plus à te défaire parce que tu as été trop gentil ou trop gentille. Côté loisirs, on a envie de casse-tête, de jeux de réflexion, pourquoi pas de mots fléchés, de jeux de stratégie, c'est ton moi, la réflexion, la pensée, on a envie de cela, fais-toi plaisir. Alors, le conseil du serpent de bois, c'est observe et planifie avant d'attaquer. Ça, c'est ton conseil à prendre en considération. Pour nos amis coqs, on est sous l'influence de l'étoile de la discipline. Eh bien, on attend beaucoup de toi sur ce mois de mai, ami coq, et on saura te trouver à ce moment-là. Tu seras prêt. Prête, tu seras dans toutes tes capacités sur le mois de mai, bien organisé côté travail. Et puis pour tes amours, si tu es en couple, essaie d'arrêter de voir la critique dans l'autre continuellement, essaie de voir la beauté, un petit peu de beauté dans le mauvais caractère de l'autre personne qui accompagne ta vie. Peut-être qu'il a des énergies un petit peu, ou elle a des énergies un petit peu qui l'influencent nerveusement. Donc calme, sois moins critique. Et si tu es célibataire, là aussi, Sois moins critique et laisse venir à toi des personnes qui sortent de l'ordinaire. Côté loisir, on est peut-être dans une activité de précision, peut-être tricot, couture, du travail manuel. On aura envie vraiment de méditer dans une activité créative qui va demander d'être méticuleux, rigoureux, mais en même temps, ça va être méditatif. Tu en auras besoin. Et puis, le conseil du serpent de bois te dirait « Détends-toi ». Tout n'a pas besoin d'être parfait pour fonctionner. C'est la magie de la vie. Pour nos amis chiens, alors on est sous l'influence de la loyauté, bien sûr. Eh bien, ta fiabilité est récompensée au niveau de ton travail. Il y a une opportunité qui arrive dessus grâce à ton sérieux et au côté sécure que tu apportes autour de toi, auprès de tes collègues, auprès de ta direction. On voit que tu sécurises les gens, qu'ils ont confiance en toi, que tu inspires confiance. C'est tout bon pour toi, ami chien, sur le mois de mai 2025. Si tu es en couple, côté amour, une discussion sincère va renforcer, va amener de la fluidité dans ta relation. Et si tu es célibataire, ami chien, il y a une rencontre un petit peu plus authentique que les fois passées qui risque de poindre à l'horizon. Alors, on a un bon équilibre hein, côté santé, mais pense à équilibrer vie pro et vie perso. Le conseil du serpent de bois serait « Sois fidèle, oui, à tes idéaux, à tes idées, sois fidèle à toi-même, mais laisse entrer la surprise dans ta vie. Laisse-toi étonner aussi par les surprises qui peuvent te tomber dessus. Pour nos amis cochons, sur ce mois de mai 2025, on est sous les influences de l'étoile du plaisir. Alors, on est côté travail dans du calme. Eh bien, c'est très bien, ça va être idéal pour peaufiner un peu plus les projets que tu avais mis en attente. Profites-en pour affiner ta vision des choses. Ça évitera toute pression inutile plus tard. Alors, si tu es en couple, côté amour, on est dans de la douceur. La douceur est au programme et l'évasion avec l'autre est au programme. On a envie de s'isoler loin de tout le monde. Fais-le. Et si tu es célibataire, il est possible que tu rencontres une personne dans un tempérament tendre, avec un cœur très calme, très apaisé. Ça va te changer, ami cochon. Pour ta santé, il va falloir que tu écoutes ton corps sur ce mois de mai. Il va y avoir des douleurs qui vont ressortir. Alors écoute ton corps et pense aussi à ton bien-être. Pourquoi ne pas investir dans une bonne literie? Ou pourquoi ne pas changer ton canapé ou ton fauteuil habituel? Parce que là, c'est ton corps qui va te dire « prends soin de moi ». Écoute-le. Alors le conseil du serpent, savoure ces instants de calme sur le mois de mai. Mais attention, hein, reste quand même attentif, ne te repose pas sur tes lauriers. Conclusion, le mois de mai, pour tous les signes, hein, vous avez vu, c'est un mois pour agir. Pour agir avec finesse pour certains, avec un petit peu plus de rapidité pour d'autres. Alors le serpent de bois va tester en effet votre capacité d'adaptation, vos potentiels à exacerber pour certains. D'autres vont bondir, d'autres vont patienter, c'est vrai, vont jouer de la patience, l'essentiel. En tout cas, pour tous les signes de l'astrologie chinoise, c'est de ne pas être inactif. Merci de m'avoir suivi. Tout jusque-là, je suis Agathe Devry. Vous pouvez me retrouver soit par mail sur ma chaîne YouTube, ma chaîne TikTok. Vous regardez sur mon profil, il y a toutes les coordonnées pour me retrouver, pour avoir une consultation avec moi. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur la plateforme astrocenter.fr, sur la plateforme wengo.fr. N'oubliez pas de donner le code AGATE en majuscule pour avoir 10 minutes offertes avec moi et pour être mon filleul et bénéficier de nombreuses réductions toute l'année auprès de moi. Tchuss tchuss, merci de m'avoir suivi. T'es jusque-là.